zambe bayini batelebelinga bazali koluka okweyisanga batimolinga likulu mpo bazilisanga mpe nakomona yesu bango moko bakosi na likulu bakoluka ngai bakomona ngai te bakomona nde yo yesu simba ngai De ma voix j'implore l'éternel, je répands ma peine devant lui, je lui raconte ma détresse. De ma voix je crie à l'éternel. Alléluia, quand mon esprit est abattu au-delà de moi, toi tu connais mon sentier, et sur la route où je marche, ils m'ont mis un pied. Alléluia, quand mon esprit est abattu au-delà de moi, toi qui connais mon sentier, et si la route où je marche, qui m'ont mis un piège. Papa, petit canaïté, qu'on voit canaïté, bah il n'y a pas de télémie. Nasima me paina yo le masima me paina yo papa mokota kokoto batela ngai batela ngai e batela komo ina ngai pe li botana ngai o Yesu je te laisse à droite et regarde. Personne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, mille ne prend souci de mon âme. Je te laisse à droite et regarde. Perdu pour moi, mille et bras soucis de mon âme. Alléluia, quand mon esprit est abattu au-delà de moi, toi tu connais mon sentier. Et si la route où je marche, il monte en vie. Yeah, alléluia, quand mon esprit est abattu au-delà de moi, toi tu connais mon sentier. Si la route où je marche, ils m'ont mis un pied. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre et des vivants. Sois attentif et à mes cris. je suis bien malheureux, mon Dieu. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Car ils sont plus forts que moi. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Si la route où je marche, ils m'ont mis un pied. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Si la route où je marche, Koluka ikuluna nga pateli na imikampe o kampona kampe papatele maosa katina nga kalaba ini banga patele meli nga mazali koluka ikuluna nga pateli nga imikampe. Oh,